Mimésis. Chapitre 1. Meurtre. Qu'elle est belle, ainsi cambrée, les yeux bandés. Genoux qui percent le matelas, poignets liés, la tête est renversée, presque arrachée. De son crâne coule une poignée de cheveux roux qui se meurent au bas des reins. Et de sa gorge, un flot de sang séché. Saisie dans la mort comme une putain sur la queue de son mac, elle n'a rien senti que cette lame. On la prendrait en pitié, chercherait à couvrir cette poitrine lacée de rouge. Mais il convient de ne rien toucher. L'inspecteur arrive. En entrant, je salue la bleusaille qui m'accueille avec un soulagement fin. Ça prend pas avec moi. Ils font peut-être un sale boulot, ces jeunes, mais leurs gueules enfarinées, ils peuvent se la carrer où je pense. Devant leur petite famille bien sage et leurs amis bien chiants, ce sont les premiers à sortir du détail pour se faire mousser. Alors c'est bon qu'ils viennent pas me faire chier. Je sais de quoi je parle. J'ai 20 ans de maison. L'un des gars vient me faire son rapport. Ramirez, qu'il s'appelle. Ça s'invente pas un nom pareil. Comme son illustre ancêtre, il serait capable d'égorger une femme, lui. Le geste est à sa portée. Il a de son côté la force et l'endurance. Un violeur en sommeil. Je finis par l'ignorer et me penche sur le cadavre. Pauvre gosse. Depuis quelques mois, ça n'arrête pas. Avec à chaque fois le même mode opératoire. Des filles de passage, un quartier minable, et une scène de crime comme un mauvais porno bulgare. Victime, Violette Fellini, 19 ans, vendeuse. Effet personnel, sac à main Louis Vuitton, contrefaçon. Trousseau de clés, smartphone et bombe au poivre. La fille est nue. Consentante. Rémunérée, sans doute. Et cette gorge qui vous dit bonjour comme un teckel excité. J'ai vu plus dégueulasse. On l'a bien tailladée, mais le reste du corps est curieusement intact. Les coups de poignard dans le ventre, ça devait pas être son truc. J'enfile mes gants et procède au prélèvement de rigueur. Le minimum. Je laisse la merde au mec du labo. Quand je lui soulève son bandeau, je suis tout de suite frappé par la beauté de ses yeux ouverts. Un vert de gris. Pas naturel, bien sûr. La gamine portait des lentilles connectées. La ville est mon terrain de chasse. Mon flair, mon premier allié. Avec mon trench coat beige et mon fedora, je ressemble au héros de polar de mon enfance. Le frisson en moi. L'inspecteur prend place à l'arrière de son drone de service. Un clic sur son téléphone et l'engin s'envole à toute allure entre les buildings flanqués de verre et d'acier. Leurs parois, couvertes de QR codes géants, font jaillir toutes sortes de réclames d'ordinaire inextinguibles. L'inspecteur y échappe pourtant. Pas de distraction. C'est l'un des rares privilèges de la fonction. La pluie s'abat sans bruit sur la carlingue. J'aime le mauvais temps. La ville est bien plus tragique quand on lui cherche génoise. Mais il fait encore trop jour à mon goût, alors, d'un doigt, je baisse la luminosité. Dehors, le soleil s'éteint. Voilà qui est mieux. Dix minutes, c'est tout ce qu'il faut à mon drone pour me déposer sur le toit de la PJ. Quand je pense à tous ces pauvres qui s'entassent dans leur navette bondée, je suis à peine descendu qu'un collègue s'empare de l'appareil pour partir en mission. Je le salue, goguenard, puis je m'engouffre dans l'ascenseur sans attendre de réponse. Les places sont chères par ici. Dehors, la pluie s'évanouit. À cet étage, c'est la brigade des mœurs. On lui a collé d'autres noms, plus réglementaires, mais la mission n'en demeure pas moins la même. Tant qu'on touche à ces dames, le service s'en mêle. L'inspecteur s'y arrête, observe du pas de la porte ces belles âmes qui frappent leur clavier de rapports invisibles. Lui, son service est la crime, le top du top, l'aristocratie si l'on peut dire. Alors qu'on lui pardonne son mépris, ce n'est que nature après tout. Je passe parfois les voir par courtoisie. Une vanne bien sentie et ils se croient obligés de me cirer les pompes. Sait-on jamais que j'appuie leur demande pour rejoindre le service. Faut dire que de se taper des putes à longueur de journée sans jamais les baiser, ça doit en frustrer plus d'un. Je leur demande à tout hasard si la victime est dans le métier. Ils la connaissent pas. En même temps, c'est pas comme si ça manquait de nos jours. On en suit quelques-unes, on a ses habitués. Mais le gros passe à travers la nasse. Je descends la technique pour leur confier le téléphone de la victime. Lui, au moins, il finira bien par parler. Avec ses lentilles qui enregistrent tout ce qu'on voit, tout le monde est devenu une sorte de caméra sur pattes. Au début, les grandes compagnies s'en sont données à cœur joie, stockant la data à outrance sans que personne n'y trouve rien à redire. Ça a duré quelques années, le temps d'expliquer à des parlementaires ventrus le fond du problème. Mais aujourd'hui, plus d'abus. Le processeur de réalité virtuelle n'œuvre quasiment qu'en local, et ses données sont cryptées et effacées toutes les 24 heures. Une protection réputée inviolable, sauf pour la police et quelques malins, évidemment. Enfin, tant qu'on n'a rien à se reprocher. Avant, fallait tricher, essayer de confondre le coupable désigné par d'autres moyens. On s'amusait encore un peu. Sauf qu'un jour, on est venu nous dire que ça y est, on pouvait utiliser nos techniques au grand jour. C'est con, tu es tout le seul des enquêtes. Au moins, il y a quelque chose qui change pas. Le labo est un bordel sans nom. J'y dépose le téléphone. L'analyse prendra plusieurs heures. M'en faudra moins que ça pour taper mon rapport.